Conte de fées en français. Il était une fois un roi qui était très malade. Et aucun médecin du royaume ne pouvait trouver un remède pour son rétablissement. Il croyait qu'il ne vivrait pas assez longtemps pour voir la lumière du jour. Oh ! Où sont mes fils ? Je les veux à mes côtés. Le roi avait deux fils. L'aîné, William, affamé de pouvoir et qui voulait hériter du trône. Et le plus jeune, Harry, qui était gentil et innocent. Il s'occupait de tout le monde et aimait le plus son père. Comment va notre père? Nous avons fait de notre mieux. Maintenant, seul un miracle peut lui sauver la vie. Pendant ce temps, William était amoureux d'une fille appelée Miranda. Il passait ses journées avec elle et lui parlait de tout ce qui se passait dans sa vie. Vous savez, ma chérie, je veux vraiment devenir le préféré de mon père, mais j'ai l'impression qu'il aime plus Harry. Ah, j'espère juste qu'il n'héritera pas du trône à ma place. Vous et vous seul deviendrez le roi, mon amour. Comment en êtes-vous si sûr? Parce que je sais exactement comment vous pouvez gagner le cœur de votre père. Prenez cette potion de ma grand-mère, faites-lui boire ça et il aura de nouveau la santé. Oh mon Dieu, tu es la seule à me comprendre. Une fois que je deviens le roi, je te promets de faire de toi ma reine. Oh mon cœur, tu m'aimes tellement. Mais William ne savait pas que Miranda cherchait pas son cœur, mais complètement autre chose. Quel imbécile! Pendant ce temps, Harry avait le cœur brisé car il ne pouvait pas voir son père souffrir. Il avait prié sincèrement pour le rétablissement de son père bien-aimé. Oh, ange, s'il vous plaît, montrez-moi un moyen de lui rendre la santé. C'est alors qu'un ange apparut sous les traits d'un vieux sage et remarqua Harry en pleurs. Qu'est-ce qui vous tracasse, jeune prince? Qui êtes-vous? Je suis un sage qui erre dans le royaume à la recherche de connaissances. J'ai remarqué que tu pleurais, alors j'ai décidé de m'arrêter. Y a-t-il un moyen pour t'aider? Mon père, le roi est très malade et les médecins disent qu'aucun médicament au monde ne peut le soigner. Je connais un remède que tu trouveras dans une grotte, au-dessus de laquelle la lune brille. Elle est située à plusieurs royaumes d'ici, mais le chemin a de nombreux obstacles. C'est ce qu'on appelle l'eau de la vie. Comment puis-je y aller? Je peux parcourir des kilomètres et faire face à n'importe quel obstacle et rendre la santé à mon père. Ainsi, le sage donna à Harry les directions pour l'eau de la vie. Harry partit dans sa quête pour l'eau de la vie. Après avoir voyagé pendant 2 jours, il atteignit une forêt dense où il rencontra un nain. Bonjour, j'entends quelqu'un s'approcher. Peux-tu m'aider? D'où vient cette voix? S'il vous plaît, aidez-moi si vous m'entendez. Comment avez-vous été pris au piège dans cette cage? Une sorcière a utilisé son pouvoir maléfique pour me piéger. Pouvez-vous me libérer en coupant les chaînes de cette cage, s'il vous plaît? Et Harry sortit son épée pour libérer le nain. Le nain le remercia et demanda à Harry de se joindre à lui pour le dîner. Mais Harry dit qu'il était pressé et qu'il partait pour continuer sa quête. Après avoir voyagé plus loin, Harry entendit un gémissement. Il suivit le son et trouva un vieux lion malade. Oh mon Dieu! Il a l'air si fragile et faible. Il doit avoir faim. Je vais être en retard, mais je ne peux pas le laisser comme ça. Harry donna des pains entiers au lion et lui laissa toute sa nourriture. Il repartit à cheval à la recherche de l'eau de la vie. Harry était maintenant plus que affamé, mais il continua sa quête. Il progressa à travers le vent violent. Il marcha dans la neige épaisse et enfin il arriva à la grotte au-dessus de laquelle la lune brillait. Affamé et assoiffé, Harry tomba inconscient à l'entrée de la grotte. Harry, réveille-toi! Harry, réveille-toi! Vous, comment se fait-il que vous êtes ici? Je ne suis pas un sage. Je suis un ange qui ne pouvait pas te voir pleurer et qui t'est apparu sous l'aspect d'un sage. Je suis heureux de voir une âme généreuse qui s'est arrêtée de façon désintéressée pour aider les êtres dans le besoin. Voici l'eau de la vie. Bois-en pour reprendre des forces et porte le reste à ton père. Harry but l'eau de la vie et retrouva toutes ses forces. Il remercia l'ange et porta le reste auprès de son père malade. De retour dans le royaume, la potion de Miranda avait rendu la santé au roi. Le roi fut très impressionné par Guillaume et décida de le nommer roi. Mais où est Harry? Je ne l'ai pas vu depuis une semaine. Comment un fils peut-il être insensible et ne pas être là quand son père est malade? William profita de la situation et incita le roi à faire arrêter Harry pour son irresponsabilité. Père, il n'en a que faire. Il ne se soucie pas de toi, de moi ou du royaume. Je suggère que nous le mettions derrière les barreaux pendant un certain temps pour lui donner une leçon. Pendant ce temps, Harry fut soulagé d'être rentré au palais avec l'eau de la vie. Mais William avait d'autres plans. Arrêtez-le immédiatement et mettez-le derrière les barreaux. Mais frère, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne mérites aucune explication. Oh! Allez, venez. Le nouveau roi sera nommé aujourd'hui. Tout le monde est invité dans la salle du palais. Hourra! Hourra! Nous avons un nouveau roi! Ce doit être le prince Harry. C'est une âme gentille. Harry était enfermé dans la cellule, où il était assis tristement abattu et blessé que son propre frère l'ait emprisonné. Pourquoi ne me donnerait-il pas une chance de parler? Soudain, il fut surpris par un bruit fort. Vous? Comment êtes-vous entré ici? Je suis là pour vous libérer. Mais comment le saviez-vous? Nous n'avons pas le temps pour cela maintenant. Évadez-vous rapidement. Mais ce palais est fortement gardé. Ne vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui s'occupe des gardes. Allons-y. À l'aide! Il y a un lion! À l'aide! Il y a un lion! Un lion! Il y a un lion! Venez par là! Alors que le prince William était sur le point d'être couronné roi, le roi commença à se sentir mal à l'aise et tomba par terre. Qu'est-il arrivé au roi? Oh non! On pensait qu'il s'était rétabli! Que lui avez-vous donné? Mon père est encore malade! Tu es une femme misérable! Tu m'as roulé! Comment osez-vous? Tu voulais que ton père soit vivant seulement pour que tu sois couronné roi. Et maintenant, tu me blâmes? N'élevez pas la voix! Je vais vous faire arrêter! Vous allez me faire arrêter? C'est la sorcière Sabrina! J'ai entendu qu'elle était très puissante! Oui, elle l'est! Courez et sauvez votre vie! Vous n'avez aucune idée de mes pouvoirs! Je vais... Sabrina, il est temps de régler nos comptes. Père, s'il vous plaît, buvez. Le roi but l'eau et se sentit immédiatement mieux. Il se redressa et se mit debout. Merci, mon fils. Je me sens mieux. Mais qu'est-ce que tu m'as donné? Harry expliqua tout à son père et lui dit pourquoi il n'était pas là quand il était malade. Entendant cela, le roi eut honte. Pardonnez-moi, fils, car je vous ai mal compris. C'est bon, père, vous êtes en bonne santé. C'est le plus important pour moi. William se présenta devant lui. Oh, mon frère, pardonne-moi aussi, car j'étais envoûté par la sorcière et je ne savais pas ce que je faisais. Oh, ne sois pas ridicule. Fais-moi un câlin comme au bon vieux temps. Ainsi, les frères se serrèrent dans les bras. Le roi sourit. Bientôt, William et Harry furent tous les deux nommés rois. Ils gouverneraient le royaume ensemble et s'assureraient que les sorcières comme Miranda restaient fort loin. Vive nos rois! Vive!